à l'instant Valérie Levé, qui est journaliste scientifique et animatrice de l'émission Futur Simple, qu'on a bien hâte de retrouver avec ses collaborateurs, mais en même temps, je me sens choyée de l'avoir le matin. Valérie, bonjour. Bonjour Caroline. Alors ce matin, tu as choisi de nous parler, puis on va en parler de plus en plus, j'ai l'impression, dans l'actualité, c'est des tests sérologiques versus les tests virologiques. Ces tests sérologiques qui seront bientôt disponibles et qui vont être utilisés, on le suppose, lors du déconfinement. On en parle de plus en plus, de déconfiner la population. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? C'est quoi la différence de ces deux tests-là? On pense aux petits tests virologiques. Là, c'est celui qu'on utilise avec la grande tige qu'on rentre dans le nez. Là. Sérologique, j'imagine que c'est par prise de sang. Mais en tout cas, je te laisse le soin de nous l'expliquer. Ben oui, c'est ça, avec l'arrivée de ces tests sérologiques, alors qu'on fait des tests depuis le début de l'épidémie, je me suis dit qu'il y avait un peu besoin de démêler ce que c'est, ouais, les différents tests, ce qu'ils détectent et à quoi elles servent. Alors, tu l'as dit, effectivement, il y a deux tests. Il y a le test virologique, celui qu'on fait avec un écouvillon dans le nez, et le test sérologique qu'on fait à partir du sang. Donc, le test virologique, c'est celui qu'on fait donc depuis le début. Il permet de détecter le matériel génétique du coronavirus. Donc, pour simplifier, il permet de détecter les gènes du coronavirus et donc la présence du coronavirus. Et c'est utile parce que si une personne tousse et fait de la fièvre, après tout, on peut se dire, est-ce qu'elle a la COVID-19 ou est-ce qu'elle a un rhume ou la grippe? Oui, parce que quand la crise a commencé du coronavirus, on est encore en pleine saison de la grippe. Ben, exactement. Au mois de mars, alors, ça pouvait être un ou l'autre, ou la grippe ou le rhume. Ben voilà. Donc, avec un test virologique, là, donc ce que j'appelle le test à l'écouvillon, ça permet de savoir si la personne est bien atteinte de la COVID-19 ou s'il s'agit d'un rhume ordinaire ou même d'une grippe. Et si c'est la COVID-19, on dit à la personne de rester en quarantaine chez elle. Si elle a des symptômes importants et qu'on l'envoie à l'hôpital, on sait que c'est la COVID et on prend toutes les précautions pour ne pas contaminer le personnel soignant. Ouais, et puis aussi, on peut aussi alimenter les statistiques, là. Oui, exact. C'est comme ça. Forcément, on veut des chiffres aussi. Alors, qu'est-ce que ce test permet de détecter? Enfin, est-ce que ça permet de détecter les personnes qui sont porteuses du virus, mais qui n'ont pas de symptômes? Vous savez, les fameux asymptomatiques là, dont on parle tant, ça semble très mystérieux, tout ça. Oui, qui n'ont pas de symptômes, mais qui pourraient transmettre le virus malgré eux, ne le ouais. sachant pas. Et puis, la personne qui le reçoit non plus n'a aucune idée que cette personne asymptomatique en face d'elle peut lui transmettre le virus. Donc oui, si la personne a du coronavirus dans le nez, même si elle présente aucun symptôme, le test à l'écouvillon va détecter le coronavirus. Par contre, si la personne n'a pas de coronavirus dans le nez, mais que le coronavirus est dans les poumons, comme l'écouvillon ne descend pas jusqu'au poumon, on ne pourra pas le détecter. Ouais. Mais bon, on peut quand même en détecter une partie si la personne a du virus dans le nez. On voit que c'est à ses limites. Ouais. Donc c'est un test qui est très sensible quand même. Il repose sur la technique de la PCR. Donc ça, en français, ça se traduit par réaction de polymérisation en chaîne. Donc là-dedans, il y a réaction en chaîne. Et c'est une réaction qui part de quelques gènes, pas beaucoup, là, quelques gènes du virus, qui permettent de les multiplier en grande quantité. Et quand ils sont en grande quantité, ils sont détectables. Donc il suffit d'un tout petit peu de virus dans le nez pour pouvoir le détecter. Donc ce test permet de détecter les personnes porteuses asymptomatiques s'ils ont du virus dans le nez. Mais en fait, dans la réalité, comme on n'a pas assez de tests pour tester tout le monde, qu'on réserve les tests aux personnes qui ont des symptômes ou aux personnes exposées ou à risque, comme le personnel soignant ou les personnes âgées, bien souvent les asymptomatiques qui, pour le moment, ils passent sous le radar. Oui, puis je fais une parenthèse de ta chronique, mais asymptomatique, j'entendais certains dire, écoutez, c'est plus ou moins possible dans la mesure où il y a des gens qui cachent nécessairement leurs symptômes, mais où ils minimisent certains symptômes, mais à partir du moment où on aurait le virus qui se serait développé, on aurait ne serait-ce que des petits symptômes légers, mais parfois... Des fois, on les néglige, on dit, c'est quoi, c'est juste j'éternue parce que il y a quelque chose qui me chatouille dans le nez, dans l'air, il y a quelque chose qui me chatouille, ou bon, des fois, on a la gorge un petit peu sèche et on va tousser un petit peu, mais effectivement, c'est pas noir ou blanc, avoir des symptômes ou non, il y a toute une gradation, il y a peu. C'est comme je t'aime un peu, pas beaucoup, énormément. Alors oui, c'est ça, quand on dit asymptomatique, des fois on a de légers, tellement légers symptômes où on a fait un peu de fièvre, on n'a pas pris sa température, puis ça a passé dans des fois un petit coup de chaleur. Ça passe sous notre propre radar. Oui, c'est ça, ça peut arriver. Hein, puis on fait un peu de, comment dire, de négation peut-être aussi, en tout cas. Ouais. Bref, donc tu nous expliquais les tests avec les écouvillons dans le nez. Alors ça nous explique ou ça nous dit si la personne est infectée. Puis l'autre test, le test sérologique, lui, explique-nous qu'est-ce qui nous dit ce test-là. Ouais, alors ce test-là, donc le test sérologique, comme son nom l'indique, il est fait sur du sérum, donc sur le sang. Et il nous dit si la personne a fait des anticorps contre le coronavirus. Et si elle a des anticorps, c'est qu'elle est infectée ou qu'elle a été infectée. Et donc, on suppose qu'elle est immunisée. Mais une personne infectée, elle fait pas des anticorps tout de suite. Là, faut donner quand même le temps au corps de se défendre et de faire des anticorps. Donc, une personne qui serait positive à l'écouvillon et donc contagieuse peut être négative au test sérologique tant qu'elle n'a pas fait d'anticorps. Ouais. Puis inversement, une personne qui est guérie, donc elle a fait des anticorps, ça lui a permis de se débarrasser du virus, donc maintenant elle est négative à l'écouvillon, mais les anticorps, eux, ils sont toujours là, et donc elle est positive au test sérologique. Et donc ça nous dit que oui, cette personne a été infectée. Ah ouais, bon. Ouais. Ouais, donc on parle beaucoup de ces tests sérologiques en ce moment, mais faut savoir qu'ils sont plus difficiles à mettre au point que le test à l'écouvillon. Faut s'assurer que l'anticorps détecté est bien celui de la COVID et non celui du rhume. Mm-hmm. Et faut pouvoir détecter des petites quantités d'anticorps. Et je parlais pour le test à l'écouvillon, il y a une réaction de polymérisation en chaîne. On n'a pas l'équivalent pour les anticorps. Donc il y a ce problème de spécificité des anticorps et de capacité de détecter des petites quantités d'anticorps qui nous limitent. Parce que sinon, on risque d'avoir des faux positifs ou des faux négatifs. Donc, il est plus difficile à gérer, ce test-là. Donc, pour l'instant, on entend parler qu'il y a des tests sur le marché. On entend qu'il y en a en Chine, en Allemagne ou autre. Mais en fait, il faut savoir que tous ces tests-là, pour l'instant, n'ont pas fait leur preuve auprès des autorités de la santé, de Santé Canada ou d'autres autorités de santé d'autres pays. OK. Bon, ben, il y a encore du chemin à faire. Ouais. Et justement, avec ce test-là sérologique, comme tu dis, justement, pour les asymptomatiques, qu'en est-il? Donc, c'est encore plus compliqué, j'imagine? Ben oui, en fait. Donc, ces tests-là, les asymptomatiques, je vais y arriver. Donc, les personnes asymptomatiques, eux, ils font des anticorps. Mais tant qu'ils n'ont pas fait d'anticorps, ils seront positifs à l'écouvillon et négatifs au test sérologique. Et puis, comme je disais, comme on ne fait pas de test écouvillon sur les asymptomatiques, pour l'instant, ils passent inaperçus tant qu'ils n'ont pas fait d'anticorps. Par contre, une fois qu'ils ont fait des anticorps, ils vont être dépistables par le test sérologique. Mm-hmm. Et c'est là que c'est intéressant parce que s'ils ont fait des anticorps, on espère qu'ils sont immunisés. Et on a besoin de connaître la proportion de la population qui est immunisée pour organiser le déconfinement. Pour l'instant, on sait qui a eu ceux qui passent par le système de santé. On peut évaluer la quantité de personnes qui étaient malades, qui est peut-être immunisées, mais les asymptomatiques passent un peu sous le radar. Et donc, avec les tests sérologiques, on peut avoir une idée des personnes qui ont développé la maladie sans symptômes. Et puis on a besoin de ça pour savoir s'il y a assez de personnes immunisées pour qu'il y ait une immunité collective dans la population et dans quelle mesure on peut organiser le déconfinement. Valérie, on semble loin de la coupe aux lèvres, là, parce qu'on disait, et c'est toi-même qui le disais, puis on en a parlé hier, M. Legault en a parlé en point de presse, il y a moins de 10% de la population qui est immunisée. Alors évidemment, 10%, c'est pas suffisant. Là, on parle dans le cas de la COVID-19 d'une immunité presque de 70%. Là, c'est pas clair, mais en tout cas, il en faut plus que la moitié, là, clairement. Ouais, c'est exact. Donc, effectivement, ce 10%, pour l'instant, c'est une estimation. Il va falloir avoir une idée plus précise. Donc, avec ces fameux tests sérologiques, on va en avoir une idée parce qu'on va détecter les fameux asymptomatiques. Ouais. Mais on n'aura pas les 60 ou 70% de personnes immunisées nécessaires pour avoir l'immunité collective. Donc, il va falloir continuer d'utiliser les deux tests. Donc, le test à l'écouvillon, il va continuer d'être nécessaire pour dépister les personnes qui vont continuer d'être infectées par le coronavirus dès lors qu'on va se relâcher un peu le confinement. Mm-hmm. Ça veut dire qu'on va relâcher le virus. Donc, le virus va avoir des proies à aller chercher. Donc, on risque d'avoir des nouvelles personnes malades. Donc, on va avoir besoin du test à l'écouvillon pour détecter les personnes infectées. Puis le sachant, on va pouvoir les isoler et retracer les personnes qui ont été en contact avec ces personnes infectées pour les isoler elles aussi. Et puis éventuellement, faut augmenter la capacité à faire de ces tests. Pour l'instant, on a ciblé les personnes symptomatiques, les personnes à risque, mais il faudrait augmenter la capacité. Et ça, c'est la stratégie allemande depuis le début. Elle a fait beaucoup de tests. Ça lui a permis d'isoler beaucoup de cas positifs plus efficacement que d'autres pays. Et c'est probablement ce qui explique le faible taux de mortalité en Allemagne. Alors, pourquoi nous, on teste pas toute la population? Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas suffisamment d'écouvillons ou pour quelle raison? Ben oui, c'est bon. En fait, c'est pas sûr que l'Allemagne non plus teste toute la population, mais ils testent plus de monde, en tout cas. Ouais. Donc oui, effectivement, c'est une question de disponibilité du test, et aussi parce que faut comprendre que le test à l'écouvillon, ça donne une photo à un moment donné. C'est bien de détecter les personnes qui sont positives pour pouvoir les isoler, mais qu'est-ce qu'on fait avec les personnes négatives? Parce que le test de l'écouvillon, c'est pas un test d'immunité. C'est pas parce qu'on est négatif aujourd'hui qu'on est immunisé et qu'on va pas attraper le virus la semaine prochaine. Oui, clairement, donc, ou même 24 heures après. Là. Voilà, exactement. Donc, en toute logique, il faudrait tester et retester et retester les personnes négatives. Donc, si on avait des tests à foison, on pourrait faire ces tests à répétition, mais c'est pas le cas. Alors, faut établir une stratégie en commençant par les personnes symptomatiques, les personnes à risque, les foyers, les endroits où il risque d'y avoir des foyers d'infection. Faut y aller un peu plus stratégiquement. Ouais, et en même temps, il va falloir faire des tests sérologiques pour continuer de dépister les personnes les personnes immunisées, donc celles qui ont été malades et qui guérissent, et celles qui étaient asymptomatiques et qui sont passées sous le radar des écouvillons. Ouais, on verra, parce que évidemment là la crise est dans les CHSLD, dans le système de santé. On a l'impression que on se concentre beaucoup là-dessus, mais éventuellement quand on parle de réouvrir les écoles puis de déconfiner, comme tu disais, il va falloir faire des tests. Et puis juste un mot aussi en terminant sur les technologies de traçage avec les fameux téléphones cellulaires. J'écoutais une entrevue avec Yoshua Benjo qui travaille sur des programmes de dépistage. Qu'en est-il? Est-ce que ça peut aider? Est-ce que c'est pas une invasion de la vie privée? Oui, il y a des inquiétudes en tout cas. Mais... Oui, on suppose que ça va. C'est une technologie qui va s'ajouter au test de l'écouvillon, parce que ça va permettre finalement ou même les autres tests, parce que ça va permettre de savoir qui est en contact avec qui, et donc d'isoler les personnes. Si une personne a été en contact avec, si on sait qu'une personne est en contact, a été en contact avec une personne malade, on va pouvoir lui dire, fais attention, t'as été en contact avec une personne malade, mets-toi en quarantaine. Mais ça va faire l'objet d'une autre chronique. Je pense qu'on va s'en reparler la semaine prochaine. Il y a beaucoup de choses à ce sujet. On va avoir le temps de s'en reparler plus la semaine prochaine, je crois. OK, puis je t'envoie l'article de la presse sur le taux de contagion. C'est une étude néo-zélandaise qui a été dévoilée cette semaine. Bon, on aura peut-être l'occasion de s'en reparler également. On aura beaucoup de choses à se raconter, Valérie. D'ici là, je te souhaite tout de même une bonne fin de semaine. Profite bien du beau soleil. Je pense que ça va être facile de profiter du soleil. Ouais, on aime ça. Oui, un peu de vitamine D. Bye-bye.